Nous allons à présent prendre la direction de Madrid, retrouver Juan Antonio Vázquez qui nous attend depuis son studio et sous le coude, il a certainement pour nous des disques espagnols et portugais. Buenas tardes, Juan Antonio. Bonsoir. Quand on parle de musique de l'Espagne et du Portugal, il faut rappeler beaucoup de fois qu'il y a beaucoup d'autres musiques, pas seulement du flamenco et du fado. Mais aujourd'hui, on va parler et on va écouter du flamenco et du fado. Voilà ce tocaor, ce guitariste flamenco de Jerez, José Quevedo Bolita. Con mucho gusto, Juan Antonio. Avec plaisir. C'est le premier disque solo du guitariste José Quevedo Bolita qui commence avec cette rumba, Bar Boquete. L'album s'appelle Fluye, ça coule, un titre qui se révèle très approprié quand on écoute la bonne technique à la guitare de Bolita et la naturalité de sa musique. Voilà, ça c'était donc la proposition flamenco annoncée en début d'émission, mais toujours en début d'émission, Juan Antonio, vous avez parlé de fado aussi, donc je suppose que c'est maintenant qu'il va débarquer dans le monde d'un village. De fado, bien sûr. On va écouter une des jeunes chanteuses qui se distingue sur la scène des jeunes fadistas. Voilà Gisela João, avec cette très passionnée interprétation. Madrugada sem sono, ob sans sommeil. Na solidão a esperar-te, meu amor, fora da lei, mordi meus lábios sem paixão. Lábios sem beijo, tive ciúmes, chorei, despedi-me do teu corpo e por orgulho fugi. sem sono, sem luz, sem amor nem lei. De madrugada sem sono, sem luz, sem amor nem lei. Mordi meus brancos lençóis. Mordi meus brancos lençóis. Tive saudade, chorei de madrugada sem sono. C'était le fado dramatique de Gisèle Lajoie pour nos amis du monde et un village. Flamenco d'un côté, fado de l'autre. Nous avons conjugué tout ça ce soir avec Juan Antonio Vázquez depuis Madrid. Ça fait un peu cliché, hein, lorsqu'on parle de musique ibérique, d'avoir ces deux genres, mais c'est comme ça, c'est ainsi. On va se retrouver, Juan Antonio, dans quelques semaines pour évoquer d'autres artistes, d'autres musiques aussi, bien sûr. Et d'ici là, ben, on vous souhaite le meilleur. Et oui, bien sûr, jusqu'à la prochaine fois. Et pendant ce temps, nous vous recommandons de visiter le site web de notre émission Mundofonías, mundofonías avec F.com. À bientôt. Au plaisir.